Chapitre 8e, la voie du paradis. Le soir, après dîner, Karim sent le besoin d'écouter la voix du paradis. Il va chez son ami. « Entre, la porte est ouverte !» invite ce dernier. En pénétrant dans le salon, Karim trouve le vieil homme assis devant son ordinateur ouvert. « Pardonne-moi, » avertit Silafid. « Je dois juste mettre une idée là-dessus, sinon je l'oublierai. Entre-temps, assieds-toi. Comme tu le sais, tu es chez toi ici. » Karim se met sur le divan. De là, il regarde son ami occupé à écrire. L'expression de son visage reflète calmement et contentement. « Cela me plairait, » songe Karim, « de finir ainsi ma vie, de la sérénité, la réflexion et l'écriture. » Un peu plus d'une minute après, le vieillard éteint son ordinateur, se lève et va à l'encontre de Karim en déclarant avec satisfaction « J'ai fini par trouver comment formuler une idée. » Je cherchais une manière simple et concrète d'exprimer quelque chose de complexe et tendant à l'abstraction. Il s'assoit en face de Karim. Puis-je me permettre, hasarde ce dernier, de savoir de quoi il s'agissait? Eh bien, un désir est né en moi, écrire une œuvre. Il me reste à décider de quel genre. Il ajoute, il fait froid ce soir, veux-tu lutter à la menthe ou bien ceci? Il indique, posé sur la table basse, une bouteille contenant un liquide marron foncé. Qu'est-ce que c'est? S'enquiert Karim. C'est une boisson fabriquée par moi. J'ai mis des noix dans de l'alcool pur et j'ai laissé pendant plusieurs mois le contenu exposé au soleil, sur le balcon. Cela produit une boisson qui, par temps froid, réchauffe convenablement le corps, tout en lui évitant les maux causés par une température basse, tels rhume, grippe et autres ennuis. Je ne sais pas si tu veux en boire. Pourquoi pas, répond Karim. Tout ce qui fait du bien à la santé, surtout en évitant les médicaments chimiques, je suis preneur. Et, plaisante Silafid, les châtiments de Hazrin dans la tombe, tu n'en as pas peur à cause de l'alcool? Qu'a-t-il à dire concernant une boisson qui fait du bien à la santé sans étourdir le cerveau ni porter à mal se comporter? Ah ah, rit le vieillard. Alors tu le crois raisonnable, ce bourreau? Disons que je ne crois pas à son existence, elle est trop absurde. Alors n'en parlons plus, conclut le vieillard. Il se lève rapidement, va dans la cuisine d'où il ramène deux petits verres, prend la bouteille de boisson, s'assoit et remplit les deux verres. Il tend l'un à son ami, prend l'autre et lance. « À notre santé !»« À notre santé !» répète Karim. Ils boivent une longue gorgée. « Hum !» déclare ensuite Karim. « Effectivement, ça réchauffe bien l'intérieur du corps. Et le goût est délicieux, merci. Je te prie de me donner la recette. »« Volontiers !» consent le vieillard. « Alors, quel est notre ordre du jour, ou plutôt du soir ?»« Je voudrais te poser deux questions, » propose Karim. « Je t'écoute. » Voici la première. Pourquoi au bar tu m'as écrit la phrase « Le voile noir a des yeux et des oreilles » ? Pendant notre discussion, explique le vieil homme, avais-tu remarqué une femme toute voilée de noir ? Elle semblait regarder des vêtements dans une vitrine d'un magasin. Non, je m'en suis rendu compte juste après avoir lu ton papier. Eh bien, pendant que nous parlions, cette femme avait attiré mon attention. J'ai trouvé bizarre le temps qu'elle passait devant la vitrine, laquelle était toute proche de notre table. Je pense qu'elle était là pour écouter notre conversation. « Ah ! » dit Karim, dont le visage s'inquiète un peu. Après quelques secondes de réflexion, il poursuit. « Deuxième question. Pourquoi tu as aidé Saïd pour le nettoyage dans la rue ?»« Être utile à soi, c'est bien, » déclare Silafid. « Être utile également à d'autres, c'est mieux. Cela prouve que nous sommes assez riches de cœur et d'esprit pour donner. » Il précise. « En fait, c'est une question de dette. »« Dette ? » ?»« Oh, c'est un peu long à expliquer. » « Je te prie de me le raconter. » Le vieil homme esquisse son charmant sourire, puis « J'apprécie ta curiosité. » Et, souligne-t-il d'un ton plaisantin, « si des micros cachés dans le mur enregistrent mes paroles, il n'y a pas à s'en inquiéter. Voici donc l'histoire. Je suis né dans une famille pauvre, père ouvrier, mère de famille paysanne sans terre. J'étais donc destiné à devenir un travailleur manuel, c'est-à-dire un être humain exploité, dominé et méprisé par les biens nantis. Par chance, près de notre maison, habitait un couple d'Espagnols. Ils avaient participé à la Révolution dans leur pays comme anarchistes. Réfugié ensuite à Oran, l'homme était devenu ouvrier et son épouse couturière à domicile. Un jour, ma mère connut cette dernière et les deux femmes devinrent amies. L'Espagnole, elle s'appelait Esperanza, déclara à ma mère « Écoute, Bacta, comme toi, moi aussi, mon mari est ouvrier et nous avons un fils. » Son père et moi avons décidé de faire tous les sacrifices pour qu'il aille à l'école, afin de lui éviter une vie de prolétaire. c'est-à-dire de misère et d'humiliation. Pourquoi ne fais-tu pas la même chose avec ton fils Hafid ? Voilà comment j'ai pu aller à l'école et m'a été épargné une vie d'esclave. Cet Espagnol a aidé ma mère à me trouver une manière digne de vivre, à mon tour d'offrir mon aide aux autres. Voilà pourquoi j'ai aidé Saïd et l'aiderai chaque fois que c'est nécessaire. Espérons qu'ainsi d'autres voisins s'inspireront de cet exemple pour apprécier la valeur de la solidarité avec les personnes qui en ont besoin. J'appelle ce comportement une dette. Elle existe depuis l'apparition de l'espèce humaine et passe de génération en génération. Son récit fini, le vieillard observe son jeune ami dont il constate l'expression réjouie. Pendant ce temps, Karim se rappelle d'autres faits, auparavant racontés par Silafid. Ils concernaient sa recherche de travail, juste après sa libération de prison où il fut enfermé pour avoir été un membre du comité d'autogestion dans la cimenterie où il travaillait. Une combinaison de circonstances lui permit de gagner un minimum d'argent en offrant des cours privés de français à des enfants. Il acceptait également d'autres petits élèves dont les parents, trop pauvres, ne pouvaient pas payer. Cependant, la police veillait. Elle soupçonnait ce singulier enseignant de faire auprès des enfants de la propagande communiste. Pour jeter le discrédit sur lui, la police parvint à convaincre une famille de déclarer que leur petite fille fut la victime d'une tentative de séduction et d'attouchement de la part de Silafid. Par chance, l'ami de ce dernier, travaillant dans la police, l'avertit du danger encouru. Cet ami aida Silafid à quitter le territoire national. Le fugitif alla en Italie, en exil, cette malédiction des Algériens depuis longtemps, mais aggravée après l'indépendance par la dictature instaurée dans le pays. En Italie, il trouva une activité d'enseignant de français dans une association privée, de tendance socialiste libertaire. Il découvrit alors des écrits de cette conception chez les auteurs européens modernes, principalement Proudhon, Bakounine, Malatesta, puis chez d'autres de l'antiquité grecque, tels Diogène et chinoise, tels Lao Tse et Zhuang Tse. Plusieurs décennies après, une fois parvenu à la retraite et disposant de la modeste somme allouée comme pension italienne, Silafid retourna à Oran, la ville de sa naissance. Avec ses économies et un prêt bancaire, il acheta le petit logement dans la tour A. Depuis lors, il y habite en se contentant du strict nécessaire. « Ma pauvreté, dit-il un soir à Karim, m'a enseigné deux très belles choses, la simplicité et le contentement. » Après s'être rappelé ce parcours existentiel de Silafid, Karim comprend mieux son comportement. L'accueil si amical, l'écoute très attentive, l'aide à Saïd. Ce que Karim apprécie par-dessus tout, c'est la modestie réelle de l'ami, quoique si riche d'expérience. Ses propos ne sont jamais exprimés comme des certitudes, mais uniquement sous forme de pistes de réflexion. Karim en est si heureux. Quelle chance, quel bonheur d'avoir rencontré cet homme. Quand, traversant des moments de désarroi ou de désespoir, Karim songe à quitter le pays, pour ne pas devenir fou ou me suicider, il se rappelle toujours Silafid. Tant qu'il vivra, je préfère rester auprès de lui. Il est le pays de mon exil, ou plutôt de ma liberté. »